chantons à l'agneau, nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint-Esprit est là. Le monde entier, le grand.